Mon château, mon donjon. Mon château, mon donjon, je me réveille. Les murs chantent des merveilles. Les pierres brillent sous le soleil. Un nouveau jour, une nouvelle veille. Dans ce château, je trouve la joie. Un trésor caché en moi. Je découvre ma voie. Un chemin tracé par la foi. Les tours s'élèvent vers le ciel bleu, gardiennes de mes voeux. Les douves reflètent mes rêves heureux, miroir d'un monde précieux. Dans ce château, je trouve la joie. Un trésor caché en moi, je découvre ma voie. Un chemin tracé par la foi. Les jardins fleurissent de couleurs, tableaux de bonheur. Les fontaines murmurent des douceurs, chansons de mon cœur. Dans ce château, je trouve la joie. Un trésor caché en moi, je découvre ma voie. Un chemin tracé par la foi. Les fenêtres s'ouvrent sur l'infini. Porte de la vie, les chandeliers éclairent mes nuits, étoiles dans l'obscurité. Dans ce château, je trouve la joie, un trésor caché en moi, je découvre ma voie, un chemin tracé. Par la foi. Les escaliers montent vers les cieux, échelle à des dieux. Les portes s'ouvrent sur des lieux, un monde merveilleux. Dans ce château, je trouve la joie, un trésor caché en moi. Je découvre ma voie, un chemin tracé, par la foi. Miroir reflète mon âme en fait, lac sans tempête. Dans ce château, je suis complet, roi dans mon plaisir, mon palais. Ha ha! Dans ce château, je trouve la joie, un trésor caché en moi. Découvre ma voie, un chemin tracé, par la foi.